15 dix. Activation orale, calendrier. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. C'est quand l'anniversaire de Robert? Et vous voyez. 23 octobre. Alors vous répondez. Son anniversaire est en octobre. C'est le 23 octobre. 2. C'est quand l'anniversaire de Mireille? Son anniversaire est en janvier. C'est le 3 janvier. 3. C'est quand l'anniversaire de Marie-Laure? Son anniversaire est en juin. C'est le 21 juin. 4. Et Noël, vous savez quand c'est? Oui, c'est en décembre. C'est le 25 décembre. 5. Et votre anniversaire, c'est quand?